Le vendredi 17 février, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le magasin Mountain Equipment quittera le quartier Saint-Roch dès la fin mars, un an après avoir annoncé son déménagement. Le détaillant a fait savoir que sa nouvelle succursale ouvrirait le 1er avril près des galeries de la capitale. Avec 33 000 pieds carrés, les nouveaux locaux sont presque deux fois plus grands et permettront d'améliorer l'atelier de vélo et d'ajouter aussi un atelier de ski. Mais son déménagement suscite du mécontentement parmi les membres, certains estimant que le magasin s'éloigne de ses valeurs environnementales en quittant le centre-ville. L'ancien chef de police de Wendake, Éric Gros-Louis, est reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de fraude. L'homme de 44 ans a floué la nation Huron-Wendat de 7 000 $ en 2012 en encaissant personnellement des chèques qui devaient servir à payer un informateur. Il a même produit de faux reçus pour camoufler ses gestes. Le juge de la Cour du Québec a souligné que le chef de police n'avait pas respecté le protocole entourant la rémunération des sources policières. Éric Gros-Louis sera de retour devant le tribunal en avril pour déterminer sa peine. Scène culturelle, le premier festival contre le racisme bat son plein à Québec. L'événement s'est ouvert avec la présentation de documentaires en début de semaine, puis avec une série de 13 spectacles en 3 soirs qui se poursuit jusqu'à demain. Ce soir, les scènes de la source de la Martinière et du sous-sol du Cercle sont mises à profit. Plusieurs artistes engagés se produiront, dont Action Sédition et Flavia Nascimento. Une manifestation familiale est également prévue demain. Le festival est né d'un désir de répondre aux préjugés et à la peur de l'autre. Enfin, le conflit entre l'Université Laval et ses employés de soutien s'enlise. Selon le quotidien Le Soleil, la rencontre de jeudi entre les deux parties n'a duré que 7 minutes. Après 2 grèves ponctuelles, les discussions achoppent toujours sur le régime de retraite et la mobilité du personnel. Le syndicat s'est dit prêt à récidiver avec d'autres grèves ponctuelles, mais il écarte pour le moment la tenue d'une grève générale illimitée. Cette semaine, l'arrêt de travail des 1900 employés a nuit à la tenue de plusieurs activités à l'Université Laval, mais les cours ont été maintenus. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Du soleil et des températures confortables, on en profite. Il fera moins 2 aujourd'hui. Le vent est plutôt présent par contre. Des vents de 30 km/h avec rafale à 50 qui font en sorte qu'avec le refroidissement éolien, c'est un peu plus frais. Demain, samedi, alternance de soleil et de nuages, un maximum de 0 degré. Dimanche, 5 degrés affichés au mercure, mais 60% de probabilité d'averse. Présentement à Québec, on a moins 5 degrés. C'est généralement nuageux et on ressent moins 14 avec le refroidissement éolien.